résister. Il y a enfin quelqu'un pour m'écouter. Je ne parle plus à des murs gris. Il y a quelqu'un pour m'ouvrir dans la nuit. Voici mon cœur, je le pose à tes pieds. Voici mon cœur à l'autel de notre amitié. Voici mon cœur pour toi seul et tes grands yeux bleus. Voici mon cœur, voici enfin mes aveux. Mon ami, ton âme me sourit au ventre du bien-être de Lupie. Tu écartes les mauvaises pensées, tu écourtes l'hiver glauque pour l'été. Voici mon cœur, il est lourd à porter. Voici mon cœur, mais toi tu le rends plus léger. Voici mon cœur, pour toi seul et tes grands yeux bleus. Voici mon cœur, voici enfin mes aveux. Je laisse le speed au fond de son pochon. Je laisse le jean et mes mauvais démons. D'un conseil, tu calmes les problèmes. J'essaie de m'aimer autant que tu m'aimes. Voici mon cœur, je le pose à tes pieds. Voici mon cœur à l'autel de notre amitié. Voici mon cœur, il est lourd à porter. Voici mon cœur, mais toi tu le rends plus léger. Voici mon cœur, pour toi seul et tes grands yeux bleus. Voici mon cœur, voici enfin mes aveux. Mmh.